Salut à tous et bienvenue sur Wata pour ce débat numéro 2. Salut. Qui va Salut. Porter sur un bilan des trois consoles qui sont sorties, PS4, Xbox One et Switch, à l'occasion de la sortie de l'anniversaire de la Switch. Voilà, on a décidé de faire le point sur les trois consoles. On va faire par ordre de sortie, on va commencer par la PS4. Je crois qu'elle est sortie avant, non ? La PS4 une semaine après la Xbox. Ou inversement, je crois que c'est la Xbox une semaine. C'est vrai ? Je sais plus. Bon, on s'en fout. C'est pareil. Voilà. La PS4, qu'est-ce qu'on peut en penser là ? Le bilan. Alors moi, je pense que c'est le problème des deux consoles, Xbox One d'ailleurs, Xbox One et PS4, c'est que au bout de combien 4 ans ? Ça fait 4 ans ? Ouais. On se fait un petit peu chier. Même si la PS4 a quelques exclus qui sont pas mal. Hein. Moi, je me fais carrément chier, en fait. Voilà. En fait, la question que je te poserai, parce que tu es joueur PS4, si tu n'avais pas acheté la PS4, aujourd'hui, est-ce que tu l'achèterais ? Aujourd'hui, je l'achèterais pour les jeux. Pour les exclus, alors. J'y souscris aussi, je l'achèterai. Ouais. Je l'achèterai. Ouais. Alors, les jeux, moi, ce qui m'a fait vanter, c'est Uncharted. Je pense que celui qui m'a fait l'acheter, c'était Uncharted. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est sorti de bon sur PS4 ? Il y en a, mais. Il y en a pas tant que ça. En fait, c'est le problème. Non, donc en fait, le problème de cette génération de consoles, PS4, et c'est aussi un peu le problème de la One, c'est les éditeurs nous ont surtout refilé beaucoup de remasters. Alors moi, je suis très content de me refaire mes Final Fantasy X-2 remasterisés. Je suis très content de refaire plein de jeux comme ça. Mais c'est vrai que globalement, la guerre des exclus, ouais. Enfin, c'est pas trop ça non plus. C'est vrai qu'effectivement, moi je l'ai acheté parce que Uncharted 4, hein, tout simplement. Hein, c'était la promesse. Et alors le problème de Sony, c'est que c'est la promesse du jeu qui sortira bientôt, un jour. C'est-à-dire Days Gone, on attend toujours. Là, on a bientôt le God of War. On attend incessamment sous peu. Au moment où nous mettons en boîte cette émission, c'est ça en fait. Je sais pas, c'est pourquoi avoir acheté une PS4 ? Oui, voilà. Moi, j'ai peut-être deux petites secondes. Moi, ce qui m'a fait acheter la PS4 à la base, déjà, c'était le prix annoncé à la sortie et la politique qu'avait annoncé Microsoft au départ. C'est-à-dire, on s'en rappelle, pratiquement tout dématérialisé, connexion tout le temps. Ça m'avait bien fait chier dans le principe. Bon, après, ils se sont ravisés, Xbox. Mais au départ, c'est uniquement une question de budget, en fait. D'accord. C'est vrai. Là, tu vois, maintenant, je m'en rappelle, c'est ça. Voilà. Alors moi, je m'en cache pas. Je suis gamer de tout support. Mais je n'ai pas acheté de PS4. Parce que j'ai toujours acheté les consoles PlayStation en fin de vie. Complètement au contraire. Voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours acheté... sauf la PS2, mais la PS3, je l'ai acheté en fin de vie avec un catalogue de jeux hallucinant. Et je vais faire pareil avec la PS4 parce que, comme tu l'as souligné, et comme Sony fait depuis la PS2, ils annoncent des super jeux qu'on ne verra qu'en fin de vie de la PS4. Et pour moi, on peut se parler franchement, les gars ? Moi, je vous parle franchement, hein. Je ne comprends pas les 70 millions de ventes d'une console qui n'a pratiquement pas de jeu, quoi. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. Uncharted, il est pas mal. Ce que tu veux, il est pas mal. Mais quand tu regardes les chiffres, c'est pas ça qui fait vendre la console. Il y a 70 millions de consoles vendues et les jeux en tête de liste sur PlayStation, c'est encore du FIFA, c'est encore du Call of, c'est encore du machin. Et ok, je comprends le principe d'acheter une console qu'on aime bien et on s'éclate avec. Mais moi, quand j'achète une console, c'est pour jouer à du jeu, souvent des exclus qui m'intéressent. Et je ne vais pas acheter une console 4 à 5 ans en avance pour attendre un jeu qui viendra en fin de vie. Enfin, c'est ma vision des choses. Hein. Voilà. Et ensuite, pourquoi j'ai acheté une Xbox ? On parlera de la Xbox après, mais j'ai acheté une Xbox comme vous peut-être, parce que moi, je joue surtout avec mes potes. C'est ça le plaisir du game. Si mes potes jouaient sur PlayStation, j'aurais acheté une PlayStation. Donc c'est vraiment, ça se base que sur ça, quoi. Ouais. Ensuite, la PlayStation, Je me suis posé la question, est-ce qu'aujourd'hui je vais acheter une PlayStation ? Clairement non, pour moi. Parce que Uncharted, c'est pas un jeu qui m'intéresse. C'est un... Voilà, je vais vous parler honnêtement, hein. Je suis pas obligé d'aimer un jeu parce que tout le monde l'aime. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a le droit d'aimer ou de pas aimer. Il y a des jeux PlayStation que j'adore, il y en a que j'aime pas. Uncharted, j'aime pas. Voilà, ça reste mon avis personnel, hein. Vous pouvez nous critiquer, m'insulter, il n'y a pas de problème, mais j'ai le droit de dire ce que je pense du jeu. Pour moi, le héros a un charisme d'huître, il ne m'inspire rien du tout. C'est un faux monde ouvert où voilà, il y a plein de choses qui me gênent. Le charisme du jeu ne m'intéresse pas du tout, comme un Tomb Raider, hein, voilà, je veux pas dire ouais c'est piqué de Tomb Raider machin, j'ai joué au dernier Tomb Raider, ils sont super beaux, il y a machin, mais j'ai pas accroché, voilà, j'ai joué un peu au jeu, bon voilà, c'est pas forcément le style de jeu que j'attends, et la plupart des exclus Sony, franchement, moi je les vois pas trop quoi en ce moment, enfin je sais pas vous, mais moi je les vois pas trop quoi, enfin il n'y a pas de grosses annonces. Bon, il y a un Street Fighter V, mais c'est une exclu d'accord, mais qu'on peut retrouver sur PC aussi, comme certaines exclus Xbox qu'on retrouvait sur PC. Le seul jeu sur lequel je mets un petit plus, c'est God of War, parce que j'adore l'ADA, j'adore l'univers, c'est vraiment un jeu original, tout ça et tout. Mais pour l'instant, moi, la Play, je la regarde de loin, je la respecte comme console, mais elle ne me fait pas bander plus que ça. Et pour en revenir à la Xbox, si aujourd'hui je devais acheter une console, ben autant j'achèterais même pas la Xbox. Parce que pareil, je suis un ancien joueur de console, j'ai connu toutes les Xbox, donc je connais toutes les licences. Et ben franchement, ça me fait pas bander du tout. Les Gears of War 4, les Forza 7 et les machins, c'est du réchauffé, quoi. Comme un peu sur Play avec les Uncharted 12 et machin, c'est du réchauffé pour moi. Ça me fait pas bander. Et je fais pas le joueur blasé, hein, parce qu'on en parlait avec Guillaume ou Landry, il y a des petits jeux indés qui nous font kiffer. Hein. On voit ça, on est comme des enfants. Hein. Donc je me suis remis en question là-dessus. Et je pense que c'est un réel souci du jeu vidéo aujourd'hui, toutes consoles confondues, c'est qu'on nous sert du réchauffé. Regardez, tout, comme l'a dit Landry, tous les remasters qu'on se prend en ce moment. C'est un aveu d'échec, sincèrement, c'est un aveu d'échec. Après, oui, tu as des petites perles comme God of War qui arrivent, ou comme sur Xbox, tu as des annonces comme Sea of Thieves qui ont été faites. Ça fait un peu de bien, mais ouais, tu nous diras. Mais là, aujourd'hui, là, à ce mois-ci, sur PS4, moi qui suis gamer, je parle rarement de la PlayStation 4 parce qu'elle a proposé un jeu de malade. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est une suite de suite de suite de suite. Et puis basta, quoi. Enfin, et je dénigrerai pas la console pour ça, parce que c'est une très bonne console. Ouais. Mais c'est les éditeurs de jeux et ceux qui font les jeux derrière. Je comprends les fans de Uncharted, je comprends les fans de plusieurs autres jeux. Moi, par exemple, il y a un jeu que je trouve absolument magnifique, qui a été remarqué, mais qui, je trouve, n'a pas fait plus de bruit que ça. C'est Bloodborne, sur PS4, ouais. Que moi, personnellement, je trouve la DA absolument à tomber. Ça m'a fait hésiter à acheter une PlayStation 4 juste pour ce jeu, quoi. Juste pour ce jeu. Mais après, c'est le principe du jeu hardcore gamer que j'aime pas trop. Alors, ben oui, Bloodborne, d'ailleurs, c'est celui-ci qui est ce mois-ci sur PS Plus, là. Oui, donc j'ai essayé. Moi, j'ai jamais touché à... C'était quoi, Demon's Souls et Bloodborne. Dark Souls. Et Ratchet & Clank aussi, qui est sorti, qui est magnifique parce qu'il te donne vraiment l'impression d'avoir un jeu Pixar, ouais. Quoi. Pour en revenir à Bloodborne, moi, j'ai essayé 5 minutes et je... C'est pas la difficulté du truc parce que c'est pas difficile au début, mais moi la DA me fait chier, c'est glauque, que ça me peut plus, c'est bon, bref. Bref, alors la PlayStation, parlons un petit peu. On en a parlé déjà le mois dernier du PS Now. On va en reparler un petit peu pour encore dire que c'est de la merde ou... Ça n'a pas changé, pas du tout. Le PS Plus. Alors. De la merde. Non, c'est pas de la merde. Alors, PS Plus et PlayStation Store. Non, moi je vais le dire. PS Plus, PlayStation Plus. Alors, il se trouve que j'ai été un abonné, je suis un abonné PlayStation Plus depuis la PS3. Où sur la PS3, il n'y avait aucun intérêt à être PlayStation Plus à l'époque, si ce n'est être un gros fanboy. j'avoue. Donc je me ferai fouetter en sortant de l'enregistrement. Voilà. Mais alors la promesse à l'époque, c'était on vous aurait plein de jeux, et ils nous disaient que pour 40-50 euros, vous aviez 200 euros de jeux. Bon, maintenant il y a la connexion aussi. Alors ça, c'est quand même c'est du copier-coller de Microsoft, hein, le live, le Xbox Live, bon ben voilà, le PlayStation Plus. Non, mais oui, mais enfin, dans le principe, c'est l'idée, c'est en gros, tu payes pour pouvoir jouer en réseau. Pour faire simple. Hein. Mais une chose est certaine. Il y a plein de jeux. Ils poussent beaucoup avec le PlayStation Plus tous les mois les indés aussi. Alors là, ce mois-ci, il y a eu deux bons gros jeux, c'est Ratchet & Clank et Bloodborne. Mais pas dans son édition Game of the Year, hein, Bloodborne, il faut le savoir, il n'y a pas toutes les extensions. Il faut quand même gagner un peu des sous. Hein. Mais bon, en tout cas, une chose est certaine, c'est que souvent ils poussent des jeux indés qu'honnêtement, je n'aurais pas acheté, je n'y aurais pas mis un copec dessus, parce que le problème des indés, c'est que tous les mois, il y en a 400 millions qui sortent. Donc, il y a plus de jeux indés que de jeux AAA. Enfin, c'est-à-dire que la fraîcheur, on la trouve désormais plus chez les petits éditeurs qui mettent des fois 2 ans, 3 ans de leur vie, entre parenthèses, pour sortir un jeu. Et le jeu est bon. Et c'est vrai que Sony a au moins ça de bien dans son PlayStation Plus. Il les pousse, il les met en avant. La politique tarifaire du PlayStation Plus, elle cesse d'augmenter. C'est-à-dire chaque année, on se prend 5 euros de plus. Bon, on ne voit pas trop. Voilà. Il y a des promos, mais bon, voilà. Ils vont changer aussi le mode de distribution des jeux, c'est-à-dire que dans un an, très précisément, il n'y aura plus de jeux PlayStation 3 pour le PlayStation Plus, il n'y aura plus de jeux Vita, mais bon, comme il faut savoir que les jeux Vita, en particulier les jeux ND sur Vita sont souvent cross-plateforme avec la PS4. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, en plus des deux jeux, on va dire, full PS4, on récupérait très souvent deux, voire parfois trois jeux ND qui tournaient sur Vita que je n'avais pas et sur PS4 que j'ai. Donc, ça faisait plein de jeux à découvrir. Dans l'eau, il y a tout. Donc, le PlayStation Plus peut être intéressant. Après, de notre côté, voilà, c'est le principe de payer pour jouer en réseau, qui est un peu le problème. Là, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Le fait que Sony et Microsoft offrent des jeux aux abonnés, c'est super. Voilà. Peu importe le jeu, hein, les gars. Moi, je trouve ça vraiment super. Il y a des fois, il y a des jeux, je ne les prends même pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et je pioche certains jeux que j'aime bien. Et aussi bien sur Play et sur Xbox, on a de quoi s'amuser tous les mois. Il y a un, voire deux, voire trois jeux. Alors, je ne sais pas sur Xbox, mais en tout cas, sur Xbox, ça doit être pareil. Sur PlayStation, il y a souvent un flot de promos. Quand t'es abonné, c'est pareil. T'as des jeux, des fois, t'as des jeux à 9 euros, 5 euros, machin. Non, ça là-dessus, c'est très bien. Ouais. Le seul truc que moi je reproche à la politique de Sony par rapport à Microsoft, même si Microsoft a amené l'abonnement payant, ils ont toujours justifié ça pour dire oui, mais on fait travailler des serveurs pro, on fait en sorte que les jeux tournent et qu'il y a le moins de problèmes possible. Il y a des problèmes quand même, les gars, hein, voilà, bien sûr. Mais franchement, étant Xbox Live depuis que ça existe, ben, j'ai pas trop à me plaindre. Franchement, ça marche, quoi, ça fait le job. Alors, par contre, Sony, moi, je vais témoigner parce que. Juste termine pour dire. Quand Sony avait la PS4, ils ont dit on va passer notre abonnement en payant. Moi, en tant que gamer, je me suis dit putain, c'est cool, pas dans le sens où on va payer, mais putain, ça y est, ils vont passer sur des serveurs sérieux, parce que on aura beau dire ce que vous pensez, même si vous êtes fan de la PS3, les jeux en ligne sur PS3, c'était de la merde. Donc, ils ont fait un effort pour améliorer ça avec la PS4, mais on sait aujourd'hui que vous payez un abonnement et qu'il n'y a pas de serveur derrière, quoi. C'est souvent les éditeurs tiers qui proposent leur serveur et machin, et on a encore des jeux aujourd'hui. Bon, il n'y aura pas de souci avec des FIFA et des grosses licences, mais il y a des petits jeux qui ont des problèmes sur PlayStation pour pouvoir jouer avec ses potes. Ça ne marche pas très bien. Des fois, quand ça marche, c'est un peu galère. Ça dépend des connexions. Et sans oublier les histoires de piratage qu'il y a eu sur la Xbox et sur la PlayStation. Sur Xbox, il y a eu du piratage aussi. Je crois que le truc le plus long qui a duré, c'était 72 heures sur Xbox. Voilà. même si on a eu moins, il y a eu des attaques DOS, il y a eu des attaques machin. Le service Microsoft, c'est quand même leur métier, ils ont su répondre à ça assez rapidement. Et ça a été, une calamité sur Sony, quoi. Alors qu'ils font payer des abonnements et machin. Et je crois qu'il y a eu, comme excuse, je crois qu'à un moment, un jeu offert, il y a eu un petit jeu offert. Putain, mais. Ouais, non, mais off l'année, quoi. Off l'année, quoi. Qu'est-ce que tu nous saoules, tu sais 50 pelles, off l'année, arrête de nous saouler, tu vois. Genre, on n'a pas suggéré. Voilà, on vous offre l'année, comme ça. Et tout le monde n'aurait rien dit, voilà. Et de faire payer ça et qu'il n'y ait pas réellement de service. Je ne parle pas des jeux offerts, hein, ça c'est très bien. Mais qu'il n'y ait pas un réel service de pouvoir jouer tranquillement en ligne, parce que je pense d'abord aux joueurs. Hein. Ouais. Je m'en fous que ce soit sur Xbox, Switch ou machin. Tu payes un putain de service et que derrière, le mec, il te met ça sur des serveurs de 1996, tu vois. Voilà, arrête, c'est bon, quoi. T'es le numéro 1, t'es le numéro 1 des ventes en console nouvelle génération, t'as 70 millions de consoles de vendues. Fais plaisir à tes joueurs en disant, voilà, les amis, l'abonnement, c'est toujours le même. On a changé nos serveurs, vous allez voir, ça va aller mieux, quoi. Une chose aussi chez Sony qui me gêne un petit peu. Enfin, moi, je suis pas un gros joueur de jeux en réseau, mais c'est que c'est fermé. C'est-à-dire que tu peux pas jouer avec des mecs sur PC ou avec des mecs sur Xbox. C'est techniquement faisable, mais en gros, Sony ferme les vannes. Sony ne veut pas. Mais il y a eu PC encore, voilà, mais en gros, on veut pas avec la concurrence console, donc ni Xbox, ni Nintendo. Non, mais voilà. Alors que la grande force, par exemple, je suis parti Nintendo, Rocket League pour Nintendo, c'est génial parce que ça permet justement de d'avoir des joueurs d'entrée de jeu. Donc Sony c'est un peu Sony sur coup là se la joue un petit peu, on est leader de la gêne, donc on se fait le Sony PlayStation 2 pour ceux qui se rappellent, hein, c'est-à-dire on en vend des caisses, on est les meilleurs, voilà. C'est un peu le problème. Indiquer ne pas vouloir faire le cross-platform, et la première raison, ça serait pour un principe de sécurité. Oui, alors les principes de sécurité, moi j'ai été victime, pas de piratage, mais comme par enchantement, j'avais plus le même mot de passe. Moi la sécurité, Sony, ils me font mes erreurs. Hein. C'est arrivé combien de fois par an, hein, à un moment donné, je crois que c'est arrivé jusqu'à 2-3 fois par an. Enfin, ouais, c'est hallucinant, quoi. Après, ils t'ont fait un système de reCAPTCHA impossible. Voilà. Enfin. Si on doit finir le bilan... Non, attends. La PlayStation, c'est aussi un bon moyen de ventiler sa baraque. Tout à fait. Alors moi, ma PlayStation, j'ai pas une pro, hein, parce que j'ai pas les moyens, et comme j'en ai déjà parlé, repayer une console pour qu'elle soit mieux, allez bien vous faire foutre. Non mais c'est vrai, je veux dire, voilà. Moi j'en ai une de pro, voilà. Mais après chacun son truc. Moi je suis sûr que je peux faire cuire un œuf dessus, quoi. Ouais, complètement. Donc elle le ventile à mort. Je suis obligé le soir de mettre le son. Pas à fond, mais très fort pour entendre les bruits qui sortent de ma télé, c'est ça, quoi. C'est hallucinant, quoi. Enfin, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis, en plus, cette putain de console, moi, je sais pas sur Xbox, t'as le malheur d'effleurer le bord de la console. Putain, elle s'allume, elle s'éteint. Les gars, vous avez voulu une console pas chère, arrêtez de nous faire chier, quoi. Sérieux, quoi. Non, mais vous voulez quoi ? Une console pas chère et qui fait pas de bruit ? Ben non. Voilà. Non, mais apparemment, c'est vrai que la PlayStation a des soucis de bruit, de machin. Mais est-ce qu'elle a des soucis ensuite ? Est-ce que la console, je vous pose la question, mais est-ce qu'elle a des bugs ? Est-ce qu'elle s'éteint ? Est-ce que machin ? Bizarre, un problème de bruit. L'ergonomie de la console, enfin de la première console, je parle, est mal faite. Mais est-ce qu'on retrouve les mêmes soucis ? On va en parler rapidement, après on arrêtera, je pense, sur la PlayStation. Est-ce qu'on retrouve beaucoup plus de problèmes sur la PlayStation 4 qu'on a pu avoir sur une PS3 ou une PS2? Non, c'est par rapport à la PS3. Alors, la PS3, c'est marrant qu'on en parle, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on parlait de God of War 4. Moi, la PS3, je suis à fond Xbox 360, qui pour moi était une nouvelle Dreamcast. Mais la PS3, j'ai pris pour God of War 3. Parce que j'étais fan de God of War 2, et puis Sony se sont bien démerdés, ils ont dit ben le 3, si vous voulez connaître la fin de l'histoire, on le sortira sur PlayStation 3. Donc voilà, j'ai acheté la PlayStation 3, 500 euros je crois à l'époque, hein. Même 600. Ouais. même 600. Non, elle a pas du tout les mêmes défauts que la PlayStation 3. Là, ils ont appris des trucs avec la PlayStation 3 Sony. Et le plus gros problème connu de la PS4, c'est quoi ? C'est la ventilation. C'est juste le bruit, quoi. Ouais, après, le menu est vraiment bien, par contre. Ouais. Moi, voilà, c'est j'adore. Ouais, c'est ça. C'est nickel. Il y a pas de pile. Non, tu te perds pas du tout dans le truc. Voilà, c'est tout. Après. Mais en fait, ce qui est bien et pas bien, on pourra dire ce qu'on veut, mais la refonte du menu PS4, on aura beau dire ce qu'il veut, ils se sont quand même vachement inspirés de ce que faisaient sur PC et sur Xbox, quoi. Ah ouais. Ils ont compris que leur menu en croix, voilà, tout le monde en avait un peu marre. Et, moi, ils j'en ont, avais et... pas marre, je trouvais ça vachement bien le menu en croix. Moi, perso, j'ai pas trop aimé, quoi. Je pense que de toute façon, en matière d'interface, Sony, il n'y a pas photo entre Sony et Microsoft si on compare. Microsoft, ils savent quand même faire des interfaces. Hein. Ouais. On aime, on n'aime pas, mais ils savent faire des interfaces. Parfois, peut-être, de ce que j'avais vu, moi, chez les potes, sur la première Xbox One, ce qui remonte, parfois un peu lourdingue. Maintenant, j'ai cru comprendre que c'était souvent mis à jour. Et puisque finalement, en fait, on a subrepticement glissé sur la Xbox One, faut le dire, je trouve quand même que la X a un design vraiment bien, bien joli. Ouais, le premier, c'était un beau magnétoscope Betamax, la première. Celle-là, elle est vraiment chouette. Et ça donne. Ça, honnêtement, moi, je vois arriver la fin de génération, là, parce que je crois que, on va dire qu'elles ont encore un an ou deux, ces consoles à vivre, on va dire. Hein, parce que, voilà, smartphone only. Je sens que je la vois venir, la X, chez moi, quand même, parce qu'il y a des petits jeux auxquels je veux jouer. Et c'est vrai que, elle donne envie, quoi. Alors que la première, après, on n'achète pas une console parce qu'elle est jolie ou pas jolie, hein, il faut être clair. Hein. Ça fait plaisir. Moi, je pense que ça fait plaisir quand même d'avoir le design d'une console sympa. Juste pour parler rapidement des anciennes consoles jusqu'à aujourd'hui, quand tu prends une. Moi, je sais pas, l'une des consoles qui me tient à cœur depuis toujours en termes de design, je sais qu'elle n'est pas très belle pour certains, mais c'est la Super NES, quoi. Ah oui. Moi, j'ai adoré cette console, la forme qu'elle avait. Juste en la regardant, t'avais envie de jouer, tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais, c'est ça. Voilà, quoi. C'est, on en discutait avec Guillaume, c'est ce qu'on appelle les consoles de cœur. C'est-à-dire que c'est des consoles, à chaque fois que t'en parles, tu vas en parler bien parce que t'as eu un rapport avec la console assez sympa, t'as amené des choses. Moi, j'ai pas aimé la Master System, elle avait une sale gueule. La Mega Drive, elle avait plus ou moins. Elle était cool, mais je la préférais avec mon Mega CD 32X tout installé dessus. C'était une usine à gaz. Que tu as méchamment échangé contre une Neo Geo. Ouais, j'avoue. Et la Neo Geo était pas mal aussi, même si les pads étaient plus grands qu'une Xbox One aujourd'hui. La PS3, j'ai trouvé que son design était vraiment à chier. Ça, c'est mon avis personnel. C'était la FAT, elle était vraiment horrible, quoi. La Slim est pas mal. Pareil pour la Xbox. Les premières étaient un peu bizarres. Et les Slim étaient bien aussi. Moi, j'aimais bien. Moi, t'as oublié la meilleure console de tous les temps, la Dreamcast. Oui, la Dreamcast. C'était simplé, quoi. C'était simplé, mais ce qui était pas mal. Pour moi, la Dreamcast, ça me faisait penser aux petits postes mobiles. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, ça me. T'aurais rajouté deux enceintes à la Dreamcast et t'avais ton poste. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, j'aime pas trop. En fait, pour être honnête avec vous, les gars, en étant en 2000, quand elles sont sorties, c'était quoi, en 2016, 2015, moi, j'étais très déçu, moi, en fait. Voilà, je trouvais que c'était très plat. Il y avait pas de. Ouais, c'est mon avis personnel. Ouais. Moi, sincèrement, pour aller vraiment loin dans le délire, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait jouer sur beaucoup plus de personnalisation des consoles. Mais alors, moi, tu vois, à contrario de la Xbox One qui était très sobre. La PS4, je trouvais son design super beau, moi. D'accord. Mais moi, en fait, l'idée, désolé, on parle beaucoup de moi, machin et tout, désolé, mais l'idée, c'est que j'aurais presque aimé une console avec un gros bouton rouge pour l'allumer, complètement loufoque, genre le bouton nucléaire que tu dois machin, mettre une clé, tu vois, le truc débile, quoi. Mais on se retrouve avec finalement des appareils multimédia communs, des sortes de lecteurs DVD améliorés. C'est fait pour rentrer dans le salon, quoi. Oui, c'est fait pour rentrer dans le salon. Le form factor, c'est bien, mais bon, le form factor est bien. Il est pratique, on va dire. Il est plus ou moins compact. Bon, les souffleuses pour la PS4. C'est surtout au niveau. C'est surtout moi ce qui m'intéresse pour la One, vu que je vais certainement un jour passer le. C'est le cap. C'est au niveau des jeux, quoi. C'est-à-dire, toi qui es un joueur, qu'est-ce que tu recommandes, enfin, dans le bilan, qu'est-ce que tu vois comme jeu qui. Juste avant de terminer, juste pour terminer pour la PS4, le bilan pour moi de la PS4. Et après, vous donnez rapidement le vôtre. Très bonne console. De très bonnes exclus pour ceux qui aiment. C'est une console, mis à part son problème de ventilation, que moi je connais pas forcément parce que j'en ai pas, mais mes amis m'en parlent un peu. Moi je suis quand même encore un peu déçu du gamepad de la PlayStation, qui je trouve, à mon goût, celui de la PlayStation 2 était très bien, et pour moi il y a eu de très légères améliorations. Ça reste mon avis. Mais c'était un bon départ, celui de la PlayStation 2. La PlayStation 3, ils ont amélioré un peu. La PS4, avec son truc lumineux, enfin, c'est un truc qui m'insupporte au possible. Mais moi, j'adore la console. C'est une bonne console. Elle a quand même des exclus qui envoient du pâté, si on aime bien ça. Et ça reste quand même une console avec un catalogue de jeux vraiment hallucinant. Donc pour moi, c'est, on va dire, j'aime pas mettre des notes, mais je vais dire bonne console. Voilà. Moi, je dirais bonne console, mais je me fais chier dessus, quoi. Voilà, c'est. Ah, mais c'est un peu contradictoire, hein, de dire bonne et. Non, non, au niveau des capacités, tu vois. Je veux dire, c'est une bonne console, mais après, c'est pas le problème de la console, c'est le problème des jeux. Donc, voilà, moi, j'ai pas le. Et je dirais sans doute la même chose sur la One. Et je l'ai dit au début, voilà, je me fais un petit peu chier sur cette. Okay. Sur cette console. Alors, moi, la PS4, je l'aime bien, vraiment. Je trouve que niveau hardware, Marc Cerny a fait un beau boulot à l'époque. Hein. Mais comme les ingénieurs de Microsoft, d'ailleurs, si on réfléchit bien, sur ce coup-là, il n'y a pas de fausse note sur ces deux machines-là. Mais la PS4, bon, un beau boulot. Le problème, c'est que Sony a fait le truc qui, d'après moi, il ne fallait pas faire, c'est-à-dire le coût de la console de mid-gen, qui a poussé le concurrent aussi à avoir une console de mid-gen. Et bon, voilà. Alors, effectivement, comme il faut que tout soit compatible, on ne voit pas tellement la différence, à moins d'avoir le téléviseur 4K qui va bien. Pour le reste, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, j'aime bien les exclus Sony. Voilà, donc j'ai eu ce que je voulais pour cette génération-là. C'est vrai que ce n'est pas foufou parce qu'il y a cette vague de remaster. Et alors, le pire, c'est que j'en ai payé plein. Hein. La version Shadow of the Colossus, la très très bon remaster. Mais en gros, la version définitive de Shadow of the Colossus, c'est-à-dire ce qu'on nous avait promis sur PS2, voilà, sur PS4. Voilà. Et donc, du coup, bon, promesse tenue, hein, avec du temps, mais promesse tenue. Ouais, mais on s'ennuie. Mais c'est vrai que je rejoins Guillaume. On s'ennuie un peu. Il n'y a pas eu de jeu foufou de cette gen. Le genre de jeu qu'on se dit, hey, allez, et tout constructeur confondu. C'est presque en arcade. Hein. Ouais. C'est presque un bon jeu arcade. Tout à fait. Dénote. Même arcade, ça, en fait. Arcade. Enfin, c'est bizarre, ce côté. Les éditeurs ont réclamé de la puissance. Voilà, peut mieux faire. Ouais. Allez, ça marche. Allez, on va parler de la Xbox ouais. One. Ouais. Donc sortie, je crois, une semaine après la PS4. Celui qui peut le plus nous en parler, c'est le possesseur. Donc à toi, Nono. Alors, Xbox. Xbox, ben voilà, moi, j'ai les gars, vous me connaissez, j'ai eu toutes les consoles. Ouais. J'ai acheté sans hésiter la Xbox première du nom, qui m'a fait passer des moments extraordinaires avec des jeux de fou. Qui était un bon radiateur aussi, mais qui était complètement indestructible. Ouais, indestructible. Voilà, complètement. C'était. Après, on s'est lancé comme ça. Ah, mais moi, je m'en servais pour mon enclume. Je m'en servais d'enclume pour faire du fer forgé. Voilà. Non, c'était pas des manettes. C'était pas des manettes. C'était des mini consoles. Voilà, c'était des trucs. Inspiré par la Jaguar. Voilà. Donc, mais j'ai quand même adoré cette console. Je l'ai hacké, j'ai fait plein de trucs dessus. Mission impossible dessus, je me rappelle. Ouais, mais elle avait fini en lecteur multimédia. Voilà, bref, j'avais adoré cette console. Ensuite, j'avais eu la PS3. Ensuite, j'ai eu la Xbox 360 qui a été une révélation pour moi parce que Microsoft sont arrivés, ils étaient outsiders. J'ai eu la PS3. Non, mais t'as eu la PS3 après la Xbox. J'ai eu la PS3 après la Xbox. J'ai eu la Xbox 360. Microsoft s'en est arrivé sur le marché en outsider. Ouais. Ils avaient tout à montrer et c'est ce qu'ils ont fait. Et on s'est mangé du jeu à toutes les sauces. J'ai adoré cette polémique de Sony qui arrive avec, vous vous rappelez, les fameux 7 processeurs capables de nous faire voyager dans le temps. Enfin voilà quoi, des trucs. La console était capable de faire. Enfin voilà, elle était capable de faire des trucs de fou, mais que les programmeurs étaient incapables de faire un jeu dessus. Et finalement, une 360 qui était légèrement moins puissante arrivait à faire tourner les jeux, en tout cas multi-support, mieux que sur PS3. Ça reste. Voilà, Red Dead Redemption, etc. Bref, super console, moi j'étais super content. Et ensuite, on est tous tombés de haut avec l'annonce de la Xbox One et leur politique. Très déçu, ouais, tout le monde a été déçu, moi le premier. Mais j'ai quand même acheté une Xbox One, comme je vous l'ai expliqué, d'abord pour jouer avec mes potes. On s'est concerté avec quelques potes, ils m'ont dit non, on va la prendre quand même parce que, voilà, il va avoir sûrement notre nouveau Halo, notre Gears of War, notre Forza, tout ça et tout. Et moi, quand j'ai eu la Xbox One, j'ai pas senti une console faiblard. Hein, voilà. Franchement, même si les jeux sur PS4 étaient mieux, j'ai eu l'occasion de comparer des fois certains jeux. Ouais, bon. Ouais, voilà. Non, mais c'est comme si tu compares une Ferrari, une Porsche, elles coûtent toutes les deux 200 000 euros et tu fais le chipoteur parce que la Ferrari, elle accélère un peu plus, tu vas gagner une seconde. C'est chipoté pour rien, voilà. Pour moi, c'était du chipotage, quoi. J'ai jamais fait le fanfaron. J'ai toujours accepté que sur PS4, le jeu tournait en 1080p, mais que le système upscaling de la Xbox One faisait le job. Et voilà, moi, j'étais en train de m'éclater avec des potes, tout ça et tout. Et voilà. Et ça m'a pas donné envie d'acheter une PS4 pour ça. Qu'est-ce que je dois dire en termes de bilan aujourd'hui? Est-ce que j'achèterai une Xbox One? Non. Comme pour PS4, j'achèterais pas. Si j'avais vu les jeux qui sortent aujourd'hui, j'aurais pas acheté. Je pense que je serais retourné, et c'est ce que je fais actuellement, sur PC. Parce que les vrais jeux vidéo se retrouvent sur Steam aujourd'hui. Voilà, c'est mon avis personnel. Il y a un catalogue de jeux de malade. On trouve de tout, du jeu de combat, du jeu de voiture, enfin de tout. Il y a tout. Et en mieux. Voilà, ça c'est mon avis perso. Aujourd'hui, la Xbox One, c'est le même bilan que pour la PS4. Pas assez de bons jeux, c'est du réchauffé, du Gears of War 4 qui sont mauvais, du Halo qui ont fait du Halo qui c'est un fan jeu qui est bien, Halo 5, hein. Franchement les gars, ils ont fait de belles mises à jour qui est bien, mais déjà vu, c'est comme si tu me disais d'aller voir Star Wars 24 ou Rambo 12, voilà, c'est le même problème, on est d'accord. Au niveau hardware, la console est bonne. Au niveau menu, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues, même s'ils ont le droit de le penser. C'est que bon, ça reste correct. C'est des grosses tuiles. C'est hyper facile à utiliser. Tu ne réfléchis pas. Et moi, mon avis même, moi, si demain, ils sortent une console qui est comme à l'époque, t'allumes et tu joues à ton putain de jeu, voilà. Moi, ça me va très bien. Voilà. Qui m'enlève tout le système multimédia, qui m'enlève les achats de films et les achats de jeux. Moi, tu mets ton jeu, t'allumes, tu joues. Moi, ça m'irait très bien. C'est pour vous dire à quel point je m'en branle, mais total. Ça manque de... Alors, autant du côté de Sony que de Xbox, que de Microsoft, ça manque de menus personnalisables, en fait. Mais quand je te parle personnalisable, je ne te parle pas du fond d'écran. Ben, si, la Xbox, tu peux personnaliser toutes tes tuiles. Ah d'accord. Ça fait partie du principe de Windows 10, ouais. Oui, tu peux dire je veux tel jeu comme d'accord. ça, tel jeu comme ça. Mais ça sert à rien en fait. D'accord. Pourquoi? J'aurais préféré une liste de jeux basique. Oui, d'accord. Et puis basta, et t'arrêtes de nous faire ça, chier. Ça, tu peux pas le faire. Ben si, ça y est, mais c'est encore des menus dans des sous-menus ouais, et machin. Et on s'en fout de ça. Puis maintenant, il faut que tu tapes des pubs, des machins, des trucs. Non, ça va, les pubs, c'est assez géré. C'est tout en bas à gauche de l'écran, en tout petit. D'accord. Voilà, c'est tout. Ça te dit achète ci, achète ça. Mais après, voilà, le menu, même sur Play, hein, les menus films, les machins, mais j'ai pas acheté une console pour regarder des films. Qu'est-ce que tu me viens me chier ? Je sais que ça doit être une console multimédia, mais aujourd'hui, tu prends n'importe quelle télé, on a des systèmes VOD, de machin, de qualité et pas cher. Sur ton PC, tu peux le faire. Sur ton smartphone, tu peux le faire. Pourquoi nous le mettre encore une fois sur une console ? Alors oui, c'est le Anywhere, machin, tout ça et tout. Mais putain, mais si ça peut me faire baisser le prix d'une console que tu me passes à ces menus-là, moi je suis preneur. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ? Moi, ce qui m'a frappé, quand la Xbox est sortie, en fait, elle était à combien ? 100€ de plus que la. Ouais. Parce que c'était avec le Kinect et tout. Putain, le Kinect, ça a été abandonné au bout de. Voilà, parce que ça marchait pas bien, je crois. Nous, je me rappelle. C'était Kinect. Non, ça a été abandonné parce que c'était Kinect. Tout le monde s'en fout de Kinect. Ouais. A priori. Non, il n'y avait pas de jeu. Enfin, la 3.6 nous a montré qu'il y a eu des idées intéressantes, voilà, mais qu'il n'y avait pas de jeu. C'est comme la VR pour moi aujourd'hui. Hein. Ah oui, non, la VR, c'est un plantage total pour moi. Enfin, non, je dis pas ça parce que il y a quand même. Pour l'instant, parce que nous, on nous a servi un truc comme quoi. Il y a quand même un engouement sur la VR. Oui. Il y a des jeux qui sortent, mais c'est comme la Kinect à l'époque où, où tous les accessoires PlayStation qui sont sortis, la Sony Webcam ou les machins, tout comme ça. Voilà, tu t'amuses, tu fais mumuse. Mais il n'y a pas réellement de vrai jeu. Je pense que la VR, bon, c'est un autre débat, mais ça prendra vraiment son essor quand ce sera surtout sans fil. Et qu'il y aura un peu plus de jeux. De puissance aussi. Oui, de puissance, ouais. Ouais. Donc là, voilà, la Xbox One. Quelque console, chose... mais je n'achèterai pas aujourd'hui. D'accord, donc moyen aussi, quoi. Aussi peut mieux faire. Ouais. Bah, moi je l'achèterai, mais pour les quelques exclus qui m'intéressent dans quelques temps. Alors c'est quoi les... il y a les Forza parce que j'aime bien les jeux de caisse comme ça. Il y a le Halo parce que voilà, Halo aussi. Sea of Thieves aussi qui m'intéresse bien, qu'il y a quelque chose. Après, bon, ben voilà, je trouve. En fait, c'est vrai, je rejoins vraiment Guillaume, j'avais pas réalisé. On s'ennuie beaucoup parce qu'il n'y a pas eu de jeu foufou. Quoi. Le seul jeu qui m'aurait fait acheter une Xbox One, c'est Fable. Je crois qu'ils en ont sorti un de Fable, là. Oui, mais un vrai Fable. Un vrai Fable, ouais, mais il n'y en a pas. Fable, pour moi, c'est... Il y a des rumeurs. Pour l'instant, c'est que des rumeurs sur peut-être un prochain Fable parce que Phil Spencer, il a débloqué énormément de milliards pour acheter des studios et refaire des jeux. On vous en dira plus à l'E3 et vous le verrez par vous-même aussi. Mais pour l'instant, moi, je fais le bilan de ce mois-ci. Hein. Je fais le bilan de ce mois-ci sur PlayStation, sur Xbox, on se fait chier. Point barre. D'accord. Et je reviens à ce qu'a dit Nono tout à l'heure. Et c'est vrai que je n'osais pas forcément le dire, mais en fait, oui, tu as raison. Si vous voulez jouer à des bons jeux et à une grande diversité de jeux, achetez sur PC. Et il faut arrêter de penser que le PC, parce que tu n'es pas obligé d'avoir les specs à 100%, il y a 50% des specs de ton jeu qui ne servent à rien, que tu vas enlever de toute façon. Moi, je joue à de très bons jeux sur mon PC portable. Je crois que la carte dedans, c'est une 920 MX. Donc c'est... Et ça passe, hein ? Ça passe bien. Franchement, ça passe bien. Vous n'allez pas pouvoir jouer à tous les jeux. Attack on Titan 2, par exemple, il rame. Final Fantasy rame. Mais franchement, il y a une grande variété de jeux sur Final PC. Final Fantasy rame, de toute façon, scénario... C'est un jeu de merde, sans déconner. Bref. Alors, juste, vas-y. Pour finir sur la Xbox, et on peut en dire tout autant sur la PS4 Pro. Donc, ils ont donné leur avis. Moi, je ne connais pas la PS4 Pro. J'ai vu sur les sites et différentes images ce qu'elle pouvait faire. Je vais parler honnêtement, les gars. Voilà, c'est vraiment pas pour faire du bashing de Sony. Ça ne m'intéresse pas. Mais honnêtement, la PS4 Pro, pour moi, sincèrement, c'est la plus grande arnaque commerciale que j'ai jamais vu dans le monde du jeu vidéo. Quoi. Sur la boîte, il y a marqué 4K. Les premières boîtes de PlayStation 4 Pro, il y avait marqué 4K. Et ils ont eu des procès au cul pour qu'ils mettent 4K upscaling. Ouais. Parce que c'est mensonger. C'est une console qui ne fait pas de la 4K native. Elle peut upscaler comme a fait la Xbox première génération pour upscaler du 1080p. Mais Sony ont clairement vendu leur console en disant « Voilà, c'est notre console 4K ». Elle fait du 2K et elle upscale en 4K. Et elle a certains jeux qui arrivent, quand les jeux ne demandent pas beaucoup de ressources, à faire de la 4K natif. Voilà. Voilà la grosse différence avec la Xbox One X, qui, elle, peut afficher assez facilement de la 4K natif. Mais je vais m'expliquer. J'ai pu tester de vrais jeux 4K natifs sur Xbox One. Vous avez une vraie résolution 4K, il n'y a pas de souci. Mais le jeu à l'intérieur, les polygones, les textures et tout ce que vous voulez, reste encore d'ancienne génération. C'est assez pauvre en détail, c'est assez pauvre en polygone et c'est assez pauvre en texture, même si elles sont légèrement retravaillées. Donc finalement, c'est une guerre de la résolution, mais ni de l'intérêt du jeu, ni des capacités, par exemple, afficher 1000 personnages à l'écran. Ça, vous oubliez, hein, que ce soit sur Xbox One ou sur PS4 Pro, vous ne les aurez jamais. Hein. Ouais. Voilà. C'est des consoles qui n'arrivent pas à faire ça. Donc c'est un peu, et c'est là où je rejoins un peu Guillaume, c'est un peu de la paillette, quoi. C'est un peu, voilà, c'est la même console et on a mis un petit feu d'artifice, un peu de paillette autour pour que ce soit plus joli. Alors certes, c'est plus joli, mais ayant la Xbox One Xbox One X depuis qu'elle est sortie, je me suis tellement habitué au graphisme que moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer. On est d'accord ? eh ben, l'intérêt que peuvent apporter ces consoles-là en termes de gameplay ou d'intérêt de jeu, eh ben, ça reste old school, ça reste à l'ancienne. C'est pas, ça ne veut pas dire que les décors vont se détruire mieux sur Xbox One X, ça ne veut pas dire qu'on va avoir plus de personnages à l'écran. Ça veut, voilà. Et donc, ça reste le même jeu, mais juste un peu plus lisse et avec une meilleure résolution. Ouais. Voilà. Allez. Allez. Bon, c'est tout pour, pour les deux cousines ? Ouais. Allez. Bon, on va passer à la vieille, voilà. On va parler de la Switch. Bon, c'est hors sujet. Voilà. Bon. Alors la Switch qui a fait, qui est née décembre de la Wii U, on va dire. Qui a pas duré longtemps d'ailleurs. Quand même, 4 ans, hein, la Wii U. 4 ans, la Wii U. Ouais, 4 ans d'abonnés. Putain, c'est long. 4 ans. Oui, c'est beau, quoi. Il y a des constructeurs qui supportent pas aussi longtemps leur smartphone. Ouais, hein, quand même. C'est vrai, c'est vrai. alors, la Switch. Elle est sortie il y a combien de temps? Donc, il y a un an. Le 3 mars. Le 3 mars. Bon anniversaire. Concept novateur, dirons-nous. Ouais. Hein, même si fait la Wii U c'était plus une console de bande d'essai finalement. Moi je pense que la Switch c'est une tentative en fait de Nintendo de rationaliser économiquement ses développements. C'est-à-dire pourquoi s'emmerder à faire un jeu 3DS et puis éventuellement un jeu Switch. On a vu ce que ça a donné avec le Smash Bros qui est sorti à la fois sur 3DS et sur Wii U. Le prix de la meilleure des 3DS, elle est à combien actuellement? Je sais pas, 200, un peu moins de 200€, 150€. Ouais, ça rejoint ce que tu dis. Hein. Une Switch qui est autour des 300€, s'ils peuvent avoir, je sais pas si une seule console qui réunirait tout l'univers Nintendo est intéressant pour eux, ou s'ils continueraient à faire de la Switch et 3DS. Quoi. Je crois que chez Nintendo, le gros problème qu'ils ont eu avec la Wii U, honnêtement, c'est que ils l'avaient reconnu eux-mêmes au sortir de quelques jeux Wii U en disant oh, on ne pensait pas qu'il fallait autant de monde pour faire de la HD à 1080p. Non, mais ils l'ont fait un peu comme. Ah ouais, je pense. À Osaka, oui. Ah oh, Tetsuo. Bref. Ils avaient. Non, mais en tout cas, ils nous ont vraiment expliqué ça assez naïvement. Ah ben, on ne savait pas que pour faire de la HD, alors bon, Sony et Microsoft et les développeurs tiers l'avaient découvert une génération avant, hein, que la HD coûte cher parce que ça demande du temps de dev en plus et tout. Donc là, j'ai l'impression qu'ils en avaient un peu marre de s'éparpiller entre un support portable et un support, on va dire, salon. Hein. Et là, effectivement, ils ont fusionné les deux. Et la Switch, je pense, est née de cette stratégie-là, c'est-à-dire un jeu. Et effectivement, qualitativement, alors j'avoue que je suis fan de la Switch. Je trouve qu'elle est, c'est vraiment une console extraordinaire. On joue franc jeu parce que voilà. Mais indéniablement, qualitativement, ce qu'on a pu voir pour le moment, on se rend bien compte que le fait de ne pas courir après 2-3 supports hardware ou autres, ça permet pour les jeux vraiment développés pour la Switch. Hein, ça permet quand même d'éviter le côté techniquement c'est pas foufou ou quoi que ce soit. Donc cette console elle a réussi ça. Après on parlait d'exclus tout à l'heure, on disait que on s'ennuyait un peu. Bon ben Nintendo ils ont un trésor de guerre, hein, c'est qu'ils ont quand même des IP qui sont démentielles quoi depuis toujours. Après on n'aime pas les champignons, hein, mais c'est un autre détail. C'est leur univers un peu spécial, on va dire, mais ils ont des IP. C'est-à-dire que quelque part, eux, ils sont arrivés avec la cavalerie, quoi, le gros, du lourd, du solide. Au fond, la Switch, au départ, c'est une console de jeu qui a été vendue avec son Zelda. Et on peut se dire, au fond, qu'en fait, c'était un Zelda, mais avec un écran quoi, qui était vendu en plus. Ouais, parce que... Alors moi je pense de la Switch, enfin pour moi c'est dès le début où on a commencé à voir les concepts et il y avait des rumeurs 6 mois avant sur ce que c'était, j'ai trouvé que le concept était génial. C'est à dire que moi il y a qu'une télé à la maison, donc pour tout vous dire, pour moi la Switch c'est plus une console portable. C'est une console portable que tu branches pour jouer sur la télé. Ah ben t'es libre de faire comme tu veux, c'est ça qui est. Voilà. Mais je l'utilise plus comme une portable. Et puis il y a eu l'avantage d'un truc, la Switch, c'est que ils ont sorti un Zelda qui est le jeu de l'année pour moi. Clairement, j'y joue encore. Enfin, ouais, ouais. Moi, je suis abasourdi. Puis tu peux jouer un Zelda en 3D sur une console portable, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Avec dans un monde ouvert, les gars. Putain, ouais, ce jeu. Mais bah, il est voilà. Disponible aussi sur Wii U et il n'est pas trop moche non plus. Hein. Ah, ben c'est de toute façon, il a été développé pour la Wii U à la base. Hein, donc, oui, c'est le même. Hein. C'est le même. Mais après, ouais, t'as d'autres jeux qui sont super sympas. Moi, j'ai acheté le Street. Voilà. Oui, je pense. Splatoon 2 hein, aussi. Splatoon 2, ouais. Il y a le Kirby là, qui est sorti. Alors, apparemment, bon, alors, c'est un Kirby, il paraît que c'est alors, très on a testé la démo. On a testé la démo avec ma fille, enfin, plus ma fille que moi. Elle aime bien. Non, mais c'est pour les gamins. Ça marche, hein, voilà, ça marche pour les gamins, donc c'est quand même. On parlait tout à l'heure de certains jeux Xbox, là, je sais plus là, qui étaient qui branchaient un peu gamin. C'est vrai que quelque part, les mômes, c'est un peu les oublier, quoi, sur les consoles, les grosses consoles. Hein. Bon, ben au moins Nintendo, ils ont moins un mérite. T'as le Kirby, et puis c'est un excellent jeu Kirby, on va dire d'initiation aux plateformes. C'est pas prise de tête, hein, tu essayes. Il y a de la valorisation parce que t'arrives à finir un niveau et même battre un boss. Sur ce plan-là, si je la sens bien. Après, effectivement, je ne conseille pas à quelqu'un qui a des années de gaming derrière lui de dire « Ouais, super, je vais faire une Kirby. Voilà. » Voilà. C'est sûr. Alors, je vais donner mon avis sur Nintendo, qui est une société que j'aime et que je déteste en même temps, pour plusieurs raisons. La Switch, moi, je ne la connais pas très bien. C'est une très bonne console. Je l'ai eue, je l'ai achetée uniquement pour Zelda. J'ai acheté le jeu, j'ai pris une grosse claque, j'ai adoré la console, la durée de vie de la batterie... J'ai fait du portable, j'ai joué dans mes chiottes, j'ai joué sur ma télé, j'ai joué partout, j'ai fait du Zelda, du Zelda, du Zelda. Et une fois que j'ai fini Zelda, je me suis dit, bon, mais c'était au tout début. Hein. C'était au tout début. Et je me suis dit, bon, mais est-ce que je la garde? Est-ce que je la vends? Est-ce que machin, c'est quoi qui sort? Et quand j'ai vu le catalogue, et comme l'expliquait Landry, moi, j'ai bientôt, voilà, j'ai 40 ans, là, bientôt, c'était totalement pas fait pour moi. Je le dis, hein. C'était totalement... Voilà. Ouais, non, mais... Mais bon, après, c'est... Super Mario 24, Super Machin 12, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ouais, ouais. Enfin, je ne vais pas donner plus d'intérêt à Nintendo par rapport à PlayStation et Microsoft, parce qu'ils font du réchauffé, pour moi c'est la même chose. Alors on peut adorer, hein, comme on peut adorer sur PlayStation 4, les Uncharted, et comme sur Xbox, les Halo 24. Ouais, sur Nintendo, voilà. Mais ça reste la même chose. Zelda, moi, il m'a mis une claque parce que, franchement, le jeu ne ressemble à... Trouvez-moi un Zelda, bon, mis à part les Ocarina of Time et les machins, mais trouvez-moi un peu les Zelda qui ressemblent exactement à l'ancien, juste avec un meilleur gameplay. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est simplement ça. C'est que celui qui réalise Zelda, c'est un vrai passionné, il fait du vrai game, et il nous fait pas du réchauffé. Il a envie de raconter une histoire, et il nous fait partager ça, et on en prend plein la gueule. Après, Mario, qu'est-ce que je vous dise, moi? Un putain d'enculé d'italien plombier là qui doit sauver sa princesse de merde, enfin j'en ai rien à foutre. Enfin tu vois, enfin non mais on en a rien à foutre déjà, mais franchement quand tu vois le truc sur le papier quoi, l'idée. Alors ouais, c'est un petit italien, il va sauver une princesse. Faut arrêter les gars, enfin faut arrêter. Moi ça me fait pas bander quoi, ça me fait pas bander. Voilà, j'en ai fait des Mario, j'ai fait le Moi, le seul qui me vient en tête aujourd'hui, bon, mis à part les Super Mario Bros. Sur Super NES, c'est le premier vrai Mario en 3D, Mario 64, avec lequel j'avais bien trippé. Mais même à la fin du jeu, j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que c'est pas logique du tout ce jeu. Y a pas de... Le mec, quand il a fait le jeu, il n'y a pas de logique. Et c'est ça que, quelque part, j'aime bien avec Mario. Mais bien sûr. Mais c'est quelque part ce que j'aime bien. D'accord ? Mais quand j'ai vu le nouveau Mario, où, ben c'est la même chose, c'est un petit platformer, comme Lucky Tales, comme j'ai parlé, c'est du petit platformer, c'est rigolo. Franchement, vous allez vous éclater dans le jeu. Voilà, je dis des conneries, je dis des choses méchantes, mais c'est un bon jeu, vous allez vous éclater. Mais c'est juste que moi, ça ne me parle plus du tout, ça y est, c'est fini. Et les gars, moi, j'ai connu les Mario avec les NES et les Super NES et les machins. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on en bouffe. Enfin, Plus, 30 ans qu'on en bouffe, donc... Et ne me jetez pas la pierre si j'ai peut-être un avis un peu blasé sur ces jeux-là, quoi. Alors, donc voilà, c'est Odyssey, tout. Quand même, il y a de sacrées modifications quand même sur Odyssey. Alors moi le seul truc, c'est que je vais te laisser parler après. Vas-y. Pour Mario, on en a déjà parlé tous les deux au téléphone. En fait, moi le Mario, c'est même pas Mario 64. Moi je me fais chier sur Mario depuis que c'est en 3D en fait. Pour moi le pas le vrai Mario, mais le Mario qui m'a donné le plus de plaisir, c'était Super Mario World. parce que à l'époque c'était toujours très beau, je trouve. Ouais, ouais. Le gameplay est génial, le jeu est très long. Mais alors voilà. Et ce passage à la 3D qui a eu lieu déjà il y a 20 ans, hein, déjà. Moi, ça me gêne. Super Mario Odyssey. Très bon jeu. Ouais, non, mais bon, enfin, là, je parle d'Odyssey. Très bon jeu, mais moi, je l'ai pas fini parce que voilà, je reconnais pas mon plombier. Moi, je le déguste, Odyssée, c'est-à-dire que je me fais des sessions de 50... Je me fais des sessions de 50 lunes et puis après, j'arrête un peu, je fais autre chose. Bon. Et voilà, c'est ça. Je me ferai 50 lunes et puis voilà. Non, mais l'intérêt d'Odyssée, c'est que le gameplay, il a été un petit peu revu quand même dans la mesure où c'est de l'exploration de niveau. Ce que je voulais dire, Landry, c'est que quand tu vois le créateur de Zelda qui a su évoluer avec son temps en termes de jeu, et quand tu vois un Mario qui, depuis qu'il est passé, je suis désolé, à Nintendo 64, ne fait que du réchauffé avec des idées loufoques pour dire voilà, ça sera peut-être le petit hype qui va faire le jeu parce que Mario, maintenant, il arrive à faire 3 sauts. Enfin, voilà, c'est juste ça que je remets en question. Moi, c'est juste que. C'est Mario, c'est une marque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une vraie marque aujourd'hui, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils ne peuvent plus se vendre autrement que de faire des jeux comme ça. Ils vont pas prendre de risque de faire un Mario Aventure ou un Mario Super Bros avec peut-être pour une grosse phase aventure quand même. Hein. Ouais. Dans Odyssée, tu sais, il y a beaucoup plus d'aventures. Il y a beaucoup plus d'aventures que dans le précédent. J'avoue être méchant. C'est juste un ras-le-bol de ces jeux-là. Je te répondrai aussi qu'en matière d'IP, on a Splatoon. Le vrai départ de Splatoon, c'est pas sur Wii U, c'est sur Switch. Vrai. Parce que bon, voilà, personne n'y a joué sur Wii U, sauf des Japonais. Et puis Arms, mine de rien. Bon, alors attention, Arms, c'est pourri. Hein. C'est pourri en termes de. C'est la précision, elle n'est pas là. Le gameplay, il est intelligent, mais malgré tout trop approximatif pour que des fans de gens qui aiment du jeu de baston puissent l'apprécier. Mais alors, par contre, ça marche quand même super bien. Tu as des gens qui viennent à la maison, tiens, tu peux essayer. Tu as même la possibilité avec Joy-Con de se la jouer un peu motion gaming, bon, comme du temps de la Wii. Je crois que ils tentent des trucs. C'est une console casuelle, quoi. Pas tant que ça, hein. Le Bomberman R, il y a eu des mises à jour de folie. Ouais, c'est bien. Un jeu pourri au départ, mais ouais. Pourri, le jeu de la honte, quoi, le jeu de lancement, c'est-à-dire le truc que tu prends pas. Bon, j'ai fini le débat, les gars. Moi, j'attends qu'ils sortent Metroid et j'attends qu'ils sortent F-Zero, et après, on parlera de. Ouais, c'est vrai. Ah, bah, c'est sûr, mais ça viendra. En plus, je me contredis parce que je parle de jeux réchauffés, mais en même temps, du Metroid, on en a pas eu à l'appel. Non, Metroid Prime, ça fait longtemps. Hein, je vous dirais aussi, je finirai. Oui, Metroid Prime, bon, ça, c'est attendu. Moi, je dirais quand même, je finirai d'un truc qui est déjà sorti, le Xenoblade Chronicles 2, qui est immense, qu'il ne faut pas jouer du tout en mode portable, parce que là, on est à du 600p, voilà. C'est-à-dire que c'est l'univers, hein, il est énorme. Ouais. Donc voilà, la console, elle crache un peu ses tripes. Mais en version télé, c'est un jeu immense. Après, il a des problèmes de narration. C'est-à-dire que globalement, si vous aimez des tutos qui durent 4 heures, où on vous explique comment ramasser les trucs et aller là, vous allez aimer Xenoblade Chronicles 2. Alors, mais le monde est immense. Le catalogue Switch de maintenant, au mois de mars, par rapport à sa sortie, c'est quoi ? C'est le double, le triple de catalogue ? On a quoi ? Parce qu'au début, il y avait quoi ? Il y avait Zelda et 2-3 jeux. Mais, Alors, si tu comptes, si tu prends l'eShop, tu as des mises à jour de 14-15 jeux ND. L'eShop, il faut qu'il fasse quelque chose. Oui, non, mais l'eShop, il faut qu'il fasse quelque chose. Maintenant, non, mais c'est une catastrophe parce que pour le moment, tout est empilé. Non, mais parce que tout le moment, tout est empilé, c'est clair qu'il n'y a pas de hiérarchisation et c'est dommage. Mais il n'empêche quand même que entre les jeux ND, les jeux, il y a de quoi faire. Après, puis tu parlais de, moi j'aime bien mettre la cartouche et puis démarrer. La Switch aussi, ça le fait très bien. Hein, C'est pour ça. C'est un truc que j'avais vraiment apprécié. Alors, n'essayez pas de goûter les cartouches. Goûtez pas les cartouches, oui, effectivement. C'est pas bon. Voilà. Ouais, c'est gerbé, je crois. Non, ah ben tu sais, c'est le produit qu'ils te mettent pour éviter de te ronger les ongles. Tu sais, le truc vachement amer là. Alors moi, comme un con, bien sûr, j'ai essayé. Hein. Et c'est dégueulasse. J'ai essayé, moi. Ouais, moi. Oui, non, moi, il y a des choses que j'essaye. Dis, ne va pas te foncer sur le mur, j'y vais. Vous l'avez toutes les deux, la Switch? Ouais. Bah, dites-nous, le bilan pour vous, c'est quoi? Très bonne console, très novatrice. C'est ce que j'attendais. Ergonomiquement, c'est ce que j'attendais d'une console, en fait. Non. Tu vois? Après, les jeux, ben oui, elle est moins puissante, elle est moins. Mais. Mais Zelda, quoi. Voilà. Ouais, mais Zelda. Mais Zelda, et s'il vous plaît, putain, faites-le, ce putain de F-Zero. C'est. Depuis GX, hein? Ça ah ouais, ouais, ben là, on l'a ressorti. Ouais, je suis repassé chez Nono, on l'a, j'ai remis sur mon émulateur, on l'a remis sur la télé. C'est extraordinaire, hein? Putain de merde. Ouais, ouais. C'est, ouais. Ouais. Alors moi, mon bilan, bon, bien sûr, j'aime beaucoup la Switch et même je me suis découvert. Ouais. Non, mais tu sais, voilà, je l'ai dit plein de fois, je le redirai. Je me suis même découvert une chose, c'est une espèce d'inversion, c'est-à-dire que la PS4 est en train de devenir la console de complément parce que bah. Pff, ouais. Bah, il n'y a pas grand chose, alors que du coup, tu prends ta Switch, la joie, bon, bah, je travaille, je suis assez loin de mon boulot. J'arrive le soir, je la prends du dock, elle est chargée, je vais dans mon lit, je joue un peu. J'ai ce que j'attendais. Il y a beaucoup de portages d'anciens jeux. Je me suis découvert à refaire Elle Noire sur Switch. Et presque à l'avoir, à être là, je veux dire, à le lire presque comme un roman. C'était presque comme vu que c'est un portable, t'es dans le lit, tu lis ça comme un roman noir, c'est assez extraordinaire, quoi. Donc bon, je pense que voilà, je suis peut-être pas le meilleur avis parce que manifestement, je suis un avis plutôt passionné du coup. Mais je pense qu'effectivement, pour le moment, Nintendo, voilà, et mes camarades font des études à côté. Non, Nintendo, je trouve a rempli le job et il faut reconnaître que quand on vient de la Wii U et je viens de la Wii U. On est content, hein, parce que non mais je viens de la Wii U et c'est très dur, c'était dur, c'était vraiment la honte, hein. Voilà, merci. Désolé. Voilà. Bon ben voilà, c'est tout pour ce. Bon. Ah, oui, ah moi, ben, je te l'ai dit, si tu suivais un peu. Ouais, d'accord. Moi le petit bilan, ben ouais, c'est une bonne console. Moi je trouve que c'est une bonne console, c'est une super idée, le côté portable, le côté salon, c'est novateur. Je déteste les Joy-Con par contre, c'est un nom à la con déjà. Et c'est moche. C'est soi-disant plein de technologies, machin. C'est vendu le prix. Non, mais c'est vendu à un prix d'enculé. Moi, franchement, la politique tarifaire de Nintendo, je l'ai jamais compris. Ils sont hyper chers. Ils font plein de trucs pour que tu achètes plein de trucs. Les manettes pro, 70 euros, 80 euros. Non, voilà. Voilà. Attends. Juste pour terminer, sur mon avis, c'est que les menus de la Switch, ils sont à la fois intéressants et très énervants. Enfin, je sais pas s'ils ont fait des mises à jour, mais pour envoyer, tu veux jouer avec un pote, il faut envoyer un code. Un ID, un code ID, machin. Apparemment, ça marche mieux, mais bon, voilà. Ouais, il y a des choses. Moi, bonne console, mais finalement, je reste sur le même avis que sur la PlayStation 4 et Xbox. Peut mieux faire. Alors, je ne vais pas dire ça à toutes les consoles. Moi, la 3.6, il n'y avait pas de peut mieux faire. Hein. J'étais là, nickel. Voilà, nickel. Tu vois, donc, ma PS2, à un moment, j'ai dit nickel. Ma PS3, en fin de vie, j'étais nickel. La Dreamcast, j'ai dit nickel. Et voilà, on ne se posait pas la question de se dire qu'est-ce qu'il va avoir, machin. Aujourd'hui, on a des consoles qui sont 4 fois plus puissantes qu'une Xbox 360 ou PS3. Et on n'a pas beaucoup de jeux. La Switch leur a mis, pour moi, une baffe avec Zelda qui a dit voilà, les gars, on n'est pas obligé d'avoir forcément beaucoup de puissance pour sortir un bon jeu. Donc, ça nous. Donc, ça l'étau se resserre vraiment sur. Sur quoi jouer aujourd'hui ? Eh ben finalement, peu importe le support, si l'éditeur de jeu derrière ne fait pas en sorte de sortir un bon jeu avec qu'il a fait avec ses tripes, on se retrouve avec un jeu fade, quoi. C'est un peu triste tout ça quand même, je trouve. C'est l'heure du business. Est-ce que bon, on va pas se la jouer Mel Gibson. On va pas se la jouer Mel Gibson et Danny Glover en disant on est trop vieux pour ces conneries. Mais on est à l'ère du changement. Non, mais attends. Nouveau débat. Nouveau débat, mais moi je pense que oui, ça a changé. Mais nous, on n'a pas connu. Bon, on est vraiment aux prémices du gros business des jeux vidéo. Hein. Il y a eu une génération avant nous, mais nous, on a vraiment connu le gros business dans les années 90 du jeu vidéo, là où ça décollait, fin des années 90. où on a commencé à plus être considérés comme des débiles. Les jeux n'étaient pas comme ça, les jeux étaient moins fades, plus créatifs peut-être. Peut-être que c'est aussi parce qu'il y avait moins de gens. Il y avait l'aspect nostalgie aussi. Et puis il y a l'aspect un peu nostalgie. Tout était à faire, voilà. Maintenant, on a un peu tout vu, quoi. Donc, je m'étais posé la question, savoir si j'étais trop vieux pour ces conneries-là, si machin, tout ça et tout. Ben non, il y a quand même, comme je le disais à Landry ou à toi, Guillaume, il y a des petits jeux indés à 2 euros qui m'ont fait triper. Il y a des petits jeux sur mobile qui m'ont fait triper. Et je suis encore, heureusement, encore gamin pour pouvoir m'éclater sur du jeu vidéo. Je dis juste que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, un Zelda sur Switch, qui est une console un peu en retard, arrive à me faire bander. Et je reste persuadé, en fait, que le jeu vidéo, ça doit d'abord être une histoire de à qui s'adresse le jeu. Nintendo, au moins, ils ont ce rapport-là à dire « on vous ment pas ». Voilà, c'est des jeux pour enfants. Ça peut parler aux adultes aussi, mais c'est d'abord des jeux pour enfants. La PS4 et la Xbox One, ce sont des consoles premium qui s'adressent à de l'ado et à du vieux. Sauf que pour l'instant, le vieux, il n'a pas beaucoup de quoi se mettre quelque chose sous la dent, sauf peut-être sur PS4 avec des jeux comme... tu m'en as parlé tout à l'heure, je ne veux pas dénigrer, mais des jeux un peu interactifs avec une histoire, comment ça s'appelle Les Telltale Games. Heavy Rain, Detroit et tout ça. Voilà. Ouais. Ça reste quand même basé sur des jeux adultes, on est d'accord. Des jeux pour des gamins. Ouais, ouais. Donc ils répondent un petit peu à ça. Mais c'est même plus pour les amateurs de cinéma, en fait. Voilà. Et je pense que nous, consommateurs, avec un certain âge où on achète des consoles premium, qui nous sortent du jeu ado, ça ne répond pas tout à fait à la largesse de machin. Et comme tu l'as dit, Landry, une PlayStation 4 et une Xbox One X, ce ne sont pas des consoles de prédilection pour des gamins. Non. On est d'accord. Donc, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec des consoles qui veulent plaire à tout le monde et que finalement, tout le monde, elles plaisent à personne. Ouais. Voilà. C'est un peu méchant, non, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Moi, j'aurais préféré, comme la Neo Geo à l'époque, son message, c'était « Écoute, ici, c'est la cour des grands, quoi. C'est-à-dire que tu as l'arcade à la maison, quoi. Oui, il y en a après, oui. Quand tu voyais un Art of Fighting avec le sang sur la gueule des mecs et que tu comparais ça à ton petit jeu Super NES, voilà, exactement. Mais oui, mais on y arrive aujourd'hui, on y arrive aujourd'hui, quoi. Moi, j'aimerais bien conclure par ce truc, c'est que on va parler un petit peu de l'époque aussi, enfin, l'époque que nous, on a connue. Bon, on sait que maintenant, tout est un petit peu polissé, hein, que ce soit dans la vie, il ne faut pas fumer, il ne faut pas machin, il ne faut pas truc, c'est pas bien. Et je trouve que Microsoft et Sony se caressent un petit peu, tu vois. Je te fais ça, mais c'est pas bien méchant, machin. Putain, moi, ce que je veux, c'est une guerre. Mais c'est une guerre comme on a connu, nous. C'est GAN Nintendo. Putain, moi, je veux une guerre, que les mecs, ils sont en sang, tu vois. C'est l'idée de moi, je fais plus que toi et je t'emmerde. C'est-à-dire, Mortal Kombat sort sur Super Nintendo sans le sang. Sega, dans sa politique, on veut faire ça pour les ados. C'est des guerres plus sournoises aujourd'hui. Mais c'est ça qui m'énerve. Par exemple, quand... C'est très corporate, quoi. Enfin, c'est... Quand Sony a su que Microsoft allait sortir une nouvelle console qui était la One X, parce que Microsoft avait fait l'aveu d'échec de dire que effectivement la Xbox One est quand même en deçà, elle a des petits soucis pour machin et tout, ils ont dit clairement qu'ils étaient en train de préparer une nouvelle cross-gen. La réponse de Sony, et on le voit aujourd'hui avec la PS4 Pro, ils ont sorti une console rapidement pour contrer Xbox avec une PS4 Pro qui fait de la 2K upscalée en 4K et un ventilo de merde et machin. Et on le voit, ça se voit aujourd'hui, quoi. Peut-être que ça sera mieux avec une PS4 Pro Slim. Ouais. Voilà, on ne sait pas. Mais la réponse de PlayStation, pour moi, c'était ça. C'était, on sort vite la console avant eux pour qu'on ait quand même quelque chose à contrecarrer. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais Sony a toujours fait, a toujours sorti ses prix et ses consoles par rapport à ce que faisait le concurrent. Oui. On se rappelle du premier E3 de PlayStation, la première PlayStation. Ou c'était contre qui la Saturne hein, à l'époque qui disait, bon, la Saturne, elle était hyper chère. Je crois que c'était 3 990 francs à l'époque. qui était très cher. Quand tu gagnais 8000 francs par mois, c'était chaud. Économiser plusieurs mois. Donc, Sega avait annoncé 3990 francs. Je ne sais plus ce que c'est en dollars. Sony était arrivé derrière en disant combien 1990 voilà, un truc comme ça, ouais. Donc, Sony a toujours fait ça. Donc, voilà. Bon, ben, c'était tout pour, voilà. Pour ce débat numéro 2. C'est ça. Bah écoutez, on vous retrouvera le mois prochain. Le débat portera sur le comparo entre les lasagnes et les coquillettes au jambon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter et les teraflops. Ah, les teraflops. Merci, à plus. Ciao. Allez, ciao.